Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase, c'est reparti. On remercie Thomas d'ailleurs qui fait un petit marathon depuis ce matin, depuis 10h. Hein. Ouais, alors il y a le Père Noël qui vient d'appeler, il s'excuse, il s'est trompé. Hein. T'avais demandé des barésies et en fait, il t'a mis des collants résies. Donc il dit que si tu veux, tu peux éventuellement retourner le colis si tu les as pas encore portés et te les échanges. Non, mais en fait, j'avais un petit peu peint, j'avais commandé des barilla, donc tu vois, ça n'avait rien à voir. Remarque les barésies, tellement dansé qu'ils sont craqués, donc ça va servir aussi. Et dans les deux cas, on se les enfile sur les pattes. Eh ben voilà, exactement. C'était le point commun. La blague du jour, signé Thomas. Et il est fier, il est content, c'est comme ça. Bon allez, on va peut-être passer à autre chose également. On va pas rigoler tout l'après-midi, hein. Remarquez, c'est tellement bon de rigoler. Bon allez, Flycase, c'est parti jusqu'à 18h avec un nouveau numéro 1. Tout à l'heure, on aura l'occasion de vous en parler aux alentours des 18h. Des cadeaux également à l'appel, comme le Père Noël, bien évidemment. Et puis cette semaine, 3 entrées et 3 sorties. 4 entrées, 4 sorties même, carrément. Flycase, c'est égal Flycase. La sortie de Butch avec Praise the Lord. La sortie également des Fatboy Slim avec le nouveau son For Shelter. La sortie également de Paul Kalkbrenner, on attend avec impatience un extrait du nouvel album qui cache pas mal de perles d'ailleurs, hein, Feed Your Head. Et enfin la sortie de Timothy Milton également et Tania Michel avec Music and Me. Numéro 20. Allez, on est parti longtemps en rouge cette semaine pour Tiga avec le titre Dancing Again numéro 20, ça perd 6 places. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing, dancing, dancing, dancing, dancing, dancing. Let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing with you all night dancing, let's go dancing. I wanna go dancing.

Oasis et les 20 titres incontournables. C'est tout le samedi entre 16h et 18h avec la 20e position Tigat et le titre Tiga, carrément, avec Dancing Again numéro 20 et numéro 19 à l'instant. Claude Von Strock, ça sent également la fin. C'est à vous de voter Facebook Flaquet, je vous rappelle, pour tous vos votes. S'il vous plaît, au moins numéro 19, Make a Cake. Ça, c'est seulement sur Galaxy. Les 20 titres indispensables. Flycase sur Galaxy. Numéro 18. Flycase, nouveauté, nouveauté. I'm losing you. Ooh, I can tell I'm losing you. Oh, baby, I'm losing you. Ooh, baby, I'm losing you. Ooh, baby, I'm losing you. Ooh, I can tell I'm losing you. Oh, baby, I'm losing you. Flykes et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h à l'instant avec Wash Away My Tears. C'était Massioplex. Ça perd 4 places et une place de mieux pour G-Followers, juste par avant, numéro 17 à Losing You. La hotline Galaxy. Galaxy. Galaxy, bonjour. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La Hotline Galaxy. Vous connaissez le principe, c'est Noël, on a plein de cadeaux à vous offrir sur Galaxy, c'est la Hotline. La Hotline, le numéro 03 20 83 57 57, vous connaissez le numéro par cœur. C'est maintenant qu'il faut y aller, je vous rappelle, il y a un cadeau ou deux cadeaux à vous offrir. Allez-y, 03 20 83 57 57. Appelle tout de suite la Hotline Galaxy au 03 20 83 57 57. Fais de la place sous le sapin. Pendant les fêtes sur Galaxy, la Hotline de Noël te gaffe de cadeaux. I won't go to toilet. What is lying there all? numéro 15. Black Keys, nouveauté. Incontournable, c'est tous les samedis, je vous rappelle, entre 16h et 18h avec la 15e position à l'instant. C'était la seconde entrée, il y en a 4 au total cette semaine. Ticket Notes et le titre Sparks and Smoke. La hotline Galaxy. Galaxy. Galaxy, bonjour. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La hotline Galaxy. Et pour jouer à la hotline, nous avons Bruno. Bruno de Waterloo. Salut Bruno. Allô Bruno. Oui. Que, voilà, j'avais cru d'avoir perdu. Donc 45 ans, tu nous as fait le Waterloo. Qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie? Ben écoutez, je suis à mon compte. Voilà, et tu fais quoi à ton compte? Eh ben, je fais du marquage routier. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu fais de beau pendant les fêtes ici à Noël? Noël avec la famille, les enfants. Et Nouvel An avec les amis. Alors plein de cadeaux, mais on a l'occasion de t'offrir des cadeaux également pour faire plaisir à ta famille également. On y va? Oui. Allez, on y va. Un numéro de 0 à 9. Le 7. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La Hotline Galaxy. Alors, suspense pour la Hotline. Oui. Voilà le Bowling Van Gogh, on a tout de suite une invitation pour le Bowling Van Gogh à t'offrir. C'est le premier cadeau qu'on t'offre. Est-ce qu'on tente un second cadeau ou est-ce qu'on en reste là? Non, on va tenter un deuxième. Allez, vas-y, alors un numéro de 0 à 9. Le 9. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La Hotline Galaxy. Croisez les doigts. Waterloo, bonjour. Alors, rituel beauté à Ouattrolo, les soins du visage, c'est un petit cadeau à offrir également. Si c'est pas pour toi, tu auras l'occasion de faire plaisir à quelqu'un au moins. Ah, c'est clair, ma femme. Ah bah voilà, bah ta femme aura l'occasion d'en profiter. Voilà, merci Bruno. Est-ce que tu as un petit mot à nous laisser quelque part, non? Bah écoutez, moi je vous dirais bonne fête de fin d'année et continuez. Ok, d'accord, pas de problème. Ne quitte pas, je prends tes coordonnées juste après. Hein. Ça marche. Fais de la place sous le sapin. Pendant les fêtes sur Galaxy, la hotline de Noël, deux gaffes de cadeaux. Les 20 titres qui te font bouger. C'est Fly Case, numéro 14. Flycase sur grimper la position numéro 14 à l'instant, c'était This Is I. C'était l'entrée la semaine dernière avec le titre Comme C'est Mis. Et juste auparavant, on adore ce titre. Vous êtes nombreux à nous réclamer les références également. On l'entend régulièrement sur Galaxy T-Tech Notes avec Sparks and Smoke. C'est pointé numéro 15. Bon après-midi. Les 20 titres indispensables. Numéro 13. Flycase. Nouveauté. Nouveauté. you could hear a scratchy noise. Scratchy noise. Who you are. The sky is near and familiar. so long, you're really starting to get down. So much you wanted to hide yourself from being found. Crouch down on the desert floor with yours plastered to the ground. You're used to being all by yourself and safe and sound. And let your darkness disappear beneath the stars. Follow the hollow inside you, deciding who you are. The sky is near and vermilion, we're not too far. Galaxy, vous êtes ce que vous écoutez. Ce que vous écoutez. Qui rappellera forcément quelque chose aux amateurs de funk du début des années 80. SOS Band, rappelez-vous, c'était The Finest, ça vient d'être revu et corrigé par Adri Block. C'est une proposition d'entrée, ça s'appelle The Finest Groove. Tiens, grand rendez-vous à ne pas manquer, notamment ce soir sur Galaxy, au rendez-vous mix à partir de 22h. Vous avez rendez-vous avec Digitom et vous avez une spéciale rétro de Noël comme chaque année. Donc profitez-en, 22h, 23h, Digitom 6 Mix. Numéro 20. Allez, on y va, récapitulatif de cette première heure. Positionné numéro 20, s'il plaît au moins pour Tiga, avec Dancing Again. Let's go dancing. Numéro 19. S'il plaît au moins également, c'est la position numéro 19, Clone Von Srock avec Make a Cake. Numéro 18. 4 entrées cette semaine. La première est positionnée numéro 18, Polyester. On adore ce titre, Katrina. Petite découverte Galaxy. Numéro 17. C'était entré la semaine dernière, on adore ça également. Chief Holloway avec le titre Losing You, numéro 17, plus 1. Numéro 16. Massioplex, perte de 4 places, c'est l'une des plus fortes baisses également pour cette semaine. Massioplex avec Wash Away My Tears. La seconde entrée pour cette semaine, il était plus que temps. Vous êtes nombreux à nous réclamer ce titre également, Tinted Notes, et le titre Sparks and Smoke, numéro 15. Numéro 14. Numéro 14, une petite place de mieux, on adore ce titre également, This Is I et Kieran Fox, le titre Come See Me. Numéro 13. Excellent également ce titre, Fred Everything. C'est peut-être un avenir très prometteur, peut-être un futur numéro 1, c'est à vous de voter, un Facebook Flycaz. Ça s'appelle Churching, c'est un remix de D-Tron. Numéro 12. Les Purple Disco Machine qui cartonnent actuellement avec un nouveau titre notamment, ça s'appelle Yo, numéro 12. Numéro 11. Et enfin numéro 11, on s'est écouté il y a quelques secondes, on écoutera le nouveau, tiens, tout à l'heure, pourquoi pas. Ça s'appelle Vermilion, numéro 11, moins 2. Numéro 10. Allez, on est parti direction le numéro 1, nouveau numéro 1 tout à l'heure aux alentours des 18h. Et puis en attendant, voici la position numéro 10, Koyo avec The Cat, positionné numéro 10. Ça perd 3 places cette semaine. Passez d'excellents moments. Si vous êtes encore occupé sur la route, occupé de faire vos courses de fin d'année, eh bien profitez-en au maximum. Restez avec nous. Petit jeu également dans quelques minutes avec la hotline. Or let go. This is my business. I know how to find my body in a moment, in a feeling, but it's gotta catch. Like a needle on the groove, and it plays me. You know I got to move, and then everything's going my way. Doesn't matter what happened before in the day. Like that, you know my dance, I like to do the cat. My dance, I like to do the cat. Oh, my dance, I like to do the cat. You wanna be a dog? Run the cat. You like to be a dog? Run the cat. And you better look out, or you're gonna get scratched. When I do the cat. my dance, I like to do the cat. You know my dance, I like to do the cat. I like to do the cat. I like to do the cat. I like to do the cat dance. I like to do the cat. Numéro 9. Talking. Flycase, les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la 9ème position à l'instant. C'est le grand retour de Rosie Murphy. Et ça, ça nous fait vachement plaisir parce qu'on adore sa voix. Ça s'appelle Evil Eyes. C'est un remix de Clapton numéro 9. Ça gagne 2 places et 3 places de moins juste auparavant. C'était Koyo et Carrie Golden avec The Cat. Restez avec nous dans quelques minutes. Et bien, ça y est, on va rejouer avec le Outline. Les 20 titres qui te font bouger. Samedi, 14h-16h. Flycase. Numéro 8. We steal the molecules from the dead. We liberate inanimate objects. Is this a path of will up ahead? Or are we just destined to get what we get? Que l'on entend que sur Galaxy, évidemment, on diffuse les titres que les autres radios ne diffusent pas. Atlas Genius, et quel tube, hein, quel bombe, peut-être un futur numéro 1, molécule. Hein. La Hotline Galaxy. Galaxy, bonjour. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La Hotline Galaxy. Alors vous êtes au taquet parce que ça sonne déjà. 03 20 83 57 57. C'est la hotline de Noël. Je vous rappelle, il y a deux cadeaux à la clé. Peut-être un premier cadeau. Si vous gagnez, vous pouvez accéder au second. Par contre, si vous perdez le second, eh bien vous perdez tout. Voilà, c'est le principe de la hotline. 03 20 83 57 57. Mais c'est Noël et on a encore plein de cadeaux dans la hotte. Profitez-en. Appelle tout de suite la hotline Galaxy au 03 20 83 57 57. Fais de la place sous le sapin. Pendant les fêtes sur Galaxy, la hotline de Noël te gaffe de cadeaux. Les 20 titres qui te font bouger. Fly Case. Numéro 7. Classement de Flakes pointé numéro 7. Ça perd deux places avec Tuben Burger, Dizzery. Et puis attention, je vous rappelle la hotline. Il vous reste quelques secondes encore. Profitez-en. On a eu un petit problème de standard. Donc 03 20 83 57 57. 03 20 83 57 57. Les dernières secondes pour participer à la hotline. Flakes. Les 20 titres indispensables. Avec Olivier Curtis sur Galaxy. Numéro 6. We'll be right back. Case et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 6. On adore ce titre également, hein. 3 places de moins pour Broken Fitch. C'est à vous de redresser la situation. Facebook, Flycase, n'oubliez pas tout au vote. On écoute tout, vos propositions également. On sélectionne et puis on vous fait un petit résumé comme ça tous les samedis après-midi. Et puis attention, bonne nouvelle. Hein. La Hotline Galaxy. Galaxy. Galaxy, bonjour. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La Hotline Galaxy. Et c'est la Hotline Galaxy, on s'en va à Tourcoing, c'est John en ligne. John, salut. Bonjour. Voilà, John. Bonjour tu... à tous. Voilà, tu nous appelles de Tourcoing. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, John? Alors, je travaille pour une petite société de vente par correspondance. On vend toutes sortes de produits, beauté, tout ça. Voilà, bah tu peux citer le nom, hein, y a pas de problème, c'est Noël, c'est la pub un petit peu. Je travaille chez Laza à Moucron. Ah bah voilà, à Moucron, un petit compatriote. Bon, John, tu connais le principe du jeu? Oui. Allez, tu nous donnes un numéro de 0 à 9. Alors, je suis né le 7 septembre, je vais prendre le 7. Le 7. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La Hotline Galaxy. Suspense, ça sonne. Ouais, l'invitation.net, bonjour. C'est l'invitation.net avec une box qui te donne plein de réductions pendant un an, notamment dans les restos, dans les hôtels et plein de magasins. Tu auras l'occasion d'aller sur le site internet et tu verras toutes les personnes qui participent à cette boîte. Est-ce que tu conserves la boîte? Est-ce qu'on tente un deuxième cadeau ou est-ce qu'on en reste là? Je sais pas. J'ai envie de retenter, moi. C'est Noël, là. Vas-y. Allez, je retente. Allez, on retente un numéro de 0 à 9. Le 4. Le 4. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec votre correspondant. La Hotline Galaxy. Ça sonne, c'est bon signe. Allez. Laser Game, bonjour. Allez, une partie pour le Laser Game. Laser Game Plus l'invite, deux cadeaux pour toi qui partiront à Tourcoing. Super. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de beau pour le réveillon là? Alors je l'ai fait en famille et un nouvel an, je vais sortir avec ma femme. Et tu sors où par exemple? Non, on sort plus en boîte, on allait faire un petit casino tranquillement. Ok, bon ben, amuse-toi bien. Alors, ne raccroche pas, je reprends tes coordonnées juste après, hein, à tout de suite. Hein. Merci. Fais de la place sous le sapin. Pendant les fêtes sur Galaxy, la Hotline de Noël, te gaffe de cadeaux. Allez, on y va, proposition d'entrée tout de suite dans ce classement du Flycase. Je vous en avais parlé il y a quelques instants. Damien Lazarou, j'arrive plus à parler, hein, c'est le lendemain des fêtes. Ça s'appelle We Will Return et c'est un remix de Infinity Inc. Restez avec nous, on aura encore des cadeaux tout à l'heure. Allez. sur Galaxy, numéro 4. Numéro 1 de ce classement du Flycase, pas de chouin par rapport à la semaine dernière, c'est toujours la quatrième position, Younatos et Anana Club. Ça s'appelle Hush, et juste auparavant, c'était Boris de Gauche, c'était excellent également. Ça s'appelle Love, ça gagne une place, numéro 5. Les 20 titres indispensables avec Olivier Curtis sur Galaxy, numéro 3. We'll be right back. petite découverte au Galaxy, un son, c'était Cunt Snake avec le titre Echoes. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy, et encore plus le week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy. Et c'est samedi et ce soir sur Galaxy à partir de 20h, c'est Jérôme Beck que vous allez retrouver avec Party House, 21h, Franck Lidio, Girly House Clubbing, 22h, émission spéciale avec Digitom, spécial rétro de Noël, jusque 23h, Digitom 6 Mix. À partir de 23h, Marty, Check It House, minuit, Storm, Cyclone, à 1h, Digigus, Bad Noise et The Pleasure, à 2h, Mark Lower, à 3h, Seth Santos, et à 4h, Pierre Terry pour clôturer cette soirée. Tout de suite, on continue ce classement avec la position numéro 2. C'est celle-ci que je vous parlais. Ça gagne une place, ça perd une place. C'était numéro 1 la semaine dernière, on va y arriver. Hein. Alex Goffer et Étienne de Crécy avec Smile. Restez avec nous dans quelques instants. Le nouveau numéro 1. Hey. If you wanna play, wanna stay for a while. If you can't decide, don't be making up your mind. Only for tonight, I just wanna see you smile right now, come on. Jusqu'à 18h, vous en avez l'habitude, hein, comme tous les samedis, avec ce classement des 20 titres incontournables. Numéro 10 cette semaine, Koyo avec The Cat, ça perd 3 places, c'est le récapitulatif. Numéro 10. Numéro 9. Roisin Murphy avec Evil Eyes, le remix de Clapton, s'est positionné numéro 9 cette semaine, ça gagne 2 places. Numéro 8. Numéro 8, Atlas Genius avec Molécule, le remix de Pingouin Prison. Remix numéro 8, ça gagne 2 places. Numéro 7. De plaisir au moins cette semaine pour cet extra numéro 1, Teasery, Tube et Tube and Burger numéro 7. Numéro 6. 3 places de moins, rien ne va plus pour Broken Fitch pointé numéro 6 avec Tears. Numéro 5. Les 5 premiers cette semaine, Boris Zougosh avec Purple Disco Machine Love. Numéro 5, ça gagne une place. On adore toujours autant ce titre, hein. Pas de changement par rapport à la semaine dernière, ex numéro 1 également. Yulatos et Anana Club, Hush, le remix de Bebeta. Numéro 3. Numéro 3, Cut Snake avec Echo, le Snowmakes remix. Numéro 3, ça gagne 5 places. Et enfin, numéro 2, on vient de se l'écouter il y a quelques secondes, à peine, Alex Goffort et Étienne de Crécy, ça s'appelle Smile, ça perd une place. Fallait s'y attendre, c'est le nouveau numéro 1. Vous êtes nombreux à nous réclamer les références. Ce titre, il s'appelle Maggio. Le titre Make a Living, ça gagne une place. Everyone's Flycase. Matt Joe avec Mike Living, c'est le nouveau numéro 1 de ce classement du Flycase en ce 26 décembre. C'est le dernier Flycase de la saison, de l'année, c'est ce qu'on voulait vous dire. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, à partir de 16h jusqu'à 18h. Nouvelle révélation. Et je vous rappelle que c'est à vous de voter hein, sur Facebook Flycase. N'hésitez pas, faites-nous vos petites propositions également. On adore les faire partager avec tous nos auditeurs, ça nous fait vachement plaisir. Et vous avez les bonnes idées également. Tiens, n'oubliez pas également un grand rendez-vous, c'est ce mercredi soir sur Galaxy, la Galaxy Retro House Legend. Vous y étiez peut-être à l'âge de zoo. Eh bien, sachez qu'il y aura la rediffusion, la seconde partie qui se déroulera ce mercredi soir. On aura l'occasion de vous en parler. Et puis, cette compile qui est toujours disponible, je vous rappelle, chez Q8 à Neschin et Hertin, également chez Cultura Villeneuve-d'Ascq à Beaumont, au Furet du Nord, ou encore chez Leclerc Seclin, toujours un petit cadeau, ou alors sur le site Galaxy, www.galaxyfm.com. Vous pouvez la commander et vous pouvez notamment choisir, par exemple, les lots avec t-shirts et canettes et tout, pour le prix de 25 euros. Voilà, qu'on se le dise. Restez avec nous. Et dans quelques instants, la suite de la musique. Matt Le Matou, il n'est pas là aujourd'hui, exceptionnellement. On va vous proposer la musique non-stop jusqu'à 20h, jusqu'au rendez-vous mix. Voici Jen Schra avec Corian. On vous souhaite un excellent début de soirée et puis profitez bien des fêtes. Faites attention pour le foie. Hein. C'est des jours compliqués. Restez avec nous.